Lundi 3 mars. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, on l'a vu ce matin, nous sommes donc... Carnaval. Julia, nous sommes quel jour? Lundi. Aujourd'hui? Mardi 4... n'est pas carnaval aujourd'hui. On est carnaval. Raphaël? Non. Alors, nous sommes en 2025, mais regardez. C'est pas carnaval. On se souvient, on l'a vu. Ça fait mardi. Celui-ci, on le reconnaît. 4. Et là, c'est mars. Et celui-ci, si je vous le bruite, vous pourrez le reconnaître. Mars. Mardi. Il y a une 4 seule. Mars. Il y a une seule. Alors. Et pourquoi il y a... Donc, je vais vous redonner votre petite fiche d'hier. Où on a écrit en attaché. Vous vous souvenez, vous avez réussi à écrire. C'est un tout petit peu dur. Vous avez réussi à écrire lundi 3 mars en attaché. Et donc aujourd'hui, on va écrire encore une fois en attaché, mais cette fois-ci la date du jour, donc le mardi 4 mars 2025. Donc je vous le rappelle. Avant on ne le faisait pas 2025. Ah non mais maintenant on le fait. Il y a le petit point rouge pour le modèle. Et puis en dessous vous avez un autre petit point rouge avec une ligne. Et c'est sur cette ligne là que vous devez vous écrire la date du jour. En attaché. En attaché. Il y a un masque. Et pourquoi il y a un masque aujourd'hui? Parce qu'on est en 2025. Pas du tout. C'est le carnaval. Alors aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Et normalement, à Mardi Gras, on mange des crêpes ou des beignets. Alors, au carnaval, des donuts. On n'en voit des donuts, hein, des beignets. Et à quoi les crêpes? Et il y a... Tu as raison, Anastasia, on voit sur notre calendrier que le 20 mars, il y a des fleurs. À votre avis, que se passe-t-il le 20 mars, Claire? C'est la fête des amoureux. Oh non, ça c'est pas en février, c'est déjà passé. Raphaël? C'est le printemps. Exactement, c'est le printemps dans quelques jours. Et puis, on le voit, hein, vous avez vu depuis hier, qu'est-ce qui se passe dehors? On a les vélos. Bah oui, on a les vélos. Et pourquoi on a les vélos? C'est pour le printemps. Alors, oui, au printemps, mais c'est surtout... Quand est-ce qu'on sort les vélos? Quand il fait beau. Mais oui, Mathis, quand il y a du... Soleil. Et quand le soleil commence à revenir et que les fleurs commencent à pousser et que les arbres commencent à faire des bourgeons, alors ça veut dire que c'est le printemps. Donc, c'est pas tout de suite. C'est dans quelques jours, il faudra attendre le 20 mars. Mais 1, 2 et 1, 0. On dirait que c'est l'été, en fait, c'est que les jours... Moi, je suis comme ça. Alors, je vais vous donner votre petit cahier de la date. Vous prenez un crayon de bois et vous allez vous installer pour l'écrire. Mais ça, c'est là le mars. Oscar. Maman. Camille. C'est le 20. Mia. Anastasia. Otto. Alia. Raphaël. Mathis. Raphaël là. Mathis. Antonin. Un crayon de bois. Hein. Julia. Marc et Léo. Oui, on peut aussi appeler ça un crayon de papier. Tu as raison, Mathis. Un petit rond avec une petite canne. Le créneau. Le petit rond avec la grande canne. Et les trécis. Vous vous souvenez, les trécis, on l'a appris. Les trécis, ça nous sert à faire le I. Et aussi le U. Mais là, dans ce mot, on n'en a pas besoin. Mardi, ensuite le 4. Et puis, la date. Julien, installe-toi bien les pieds devant. Alors, pour faire le A, Emma, regarde. On fait un rond. Ensuite, on lève le crayon. Et après, on fait la petite canne. Un petit rond et une petite canne. Alors, est-ce que tout le monde a écrit mardi? Super, Mathis, c'est très bien. Et là, tu fais le I sur le I, tu sais faire sur cette ligne-là. Et je vous montre aussi pour ceux qui sont déjà arrivés au mois de mars. On refait un pont, deux ponts, trois ponts. On lève le crayon. Après, j'ai fini. Super, Mathis. C'est très, très bien. Bravo. Mais où? Pour l'instant, tu attends. On attend que les copains terminent. On microphone. Sacha, tu peux venir. Tu vas l'écrire sur une ardoise, toi. J'ai oublié de mettre. Bon, on va l'écrire en grandes lettres, alors en capitale. Pourquoi il ne s'est pas écrit en attaché? Moi, pourquoi alors nous on est bien attaché? Parce que nous on est chez les grands. Oui. Tu fais le I. On doit faire ça, t'as raison. Il faut juste déterminer. Michel, oui. Hier on était ce jour-là, hier on était. Alors hier on était quel jour? Lundi. Voilà, et aujourd'hui? Mercredi. Mardi. Mardi. Ici, Sacha? Vas-y, tu peux t'installer, puis toi tu regardes ce modèle-là. Là, super, Raphaël. Donc, je reviens sur le mot mars, puisque certains ne l'ont pas encore écrit. Ce sont les trois ponts. Ensuite, je lève mon crayon. Je fais le petit rond, la petite canne. Le créneau, comme dans le château, hein, vous vous souvenez, les créneaux du château. Eh bien, c'est comme le R en cursive. Ensuite, il me reste une dernière lettre pour écrire mars. C'est le S qui ressemble un petit peu à un escargot. Moi, j'ai fini. Qui est une carapace. Et ensuite, on écrit 2025. Tiens, un crayon. C'est Marie à la maîtresse. En plus, on sait parce que la maîtresse a dit merci. Regarde-moi, j'ai déjà fini. Alors c'est pareil, c'est ici qu'on doit écrire, Léo. On peut faire une petite croix. Non, on ne doit pas faire de croix, on écrit la date sur la petite ligne. Super, c'est bien, Léa. C'est très bien, Anastasia. Allez, viens, on essaye. C'est pour vous donner le calendrier, pour qu'on se repère. Mardi. Hop. Alors, quand on a fini, oh pardon, là on est 4, mars, mais va t'asseoir correctement. Alors, quand on a terminé, je vais récupérer vos petits livrets pour vérifier. Hop. Alors, ça c'est très très bien. On va ranger son crayon lorsqu'on a fini. Ouais. C'est bien, Mia. Mardi, allez, il manque le 4 mars. Ah ben oui, hein. Il faut écrire la date en entier. Léo, allez Léo, on essaye. On va faire quoi? Ah ben ça, ce sera pour les prochains jours. Super, c'est très très bien, Mathis. On va lire une petite histoire. Pas tout de suite. Il faut encore travailler un petit peu avant. Très bien, Emma. Très bien, Camille. Mardi, ok, 4 mars.